وبذكر القرآن وبذكر القرآن. Il ne reste que l'image des mères qui ont porté tant d'années de douleur, des larmes sur les visages. Prions notre Seigneur de juger les menteurs. Un jour sera montré l'unique vérité. Une terre sans partage, une paix jamais vue, ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, des pierres qu'ils ont détruites, des pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Des pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Jahidou bil-iman, jahidou bil-sala, jahidou bil-dua, wa bi-dhikr al-Qur'an. جهدوا بالإيمان جهدوا بالصلاة جهدوا بالدعاء وبذكر القرآن وبذكر القرآن وبذكر القرآن وبذكر القرآن وبذكر القرآن وبذكر القرآن, وبذكر القرآن.